بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Alors, on revient sur Kitab al-Adhkar. Kitab al-Adhkar, le livre de l'évocation de l'imam al-Nawawi. Et comme je vous ai dit, c'est un très beau livre. Je vous le conseille de l'avoir même dans votre bibliothèque, histoire 2. D'accord. Ce sera toujours quelque chose de positif pour vous, le jour où Allah vous facilitera au niveau de la langue arabe. Et encore une fois, ça va. C'est une histoire de quelques mois. Si vraiment chacun on met les moyens nécessaires, en quelques mois, Inch'Allah, vous pouvez arriver à de la compréhension assez rapide, Inch'Allah. Donc, alors, on commence. On s'était arrêté sur une invocation, mais on n'avait pas fini, s'il me semble. Babu ma yaqulu fil masjid. Exact. Donc, on n'avait pas fini, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. On s'est arrêté là, ouais. Donc, le hadith, ou du moins le sujet, c'était lorsqu'on rentre à la mosquée et lorsqu'on sort de la mosquée. On avait cité quelques invocations, d'accord. Et là, on va continuer. Et l'invocation, c'est donc de Warawayna fi kitab ibn Sunni. Elle a été rapportée dans le livre de l'imam Sunni. An Anas. Anas, c'est un compagnon, radiallahu anhu, qala. Donc, comme je vous l'ai dit, après je vais arrêter de traduire certaines choses. Quand on dit radiallahu anhu, c'est que c'est un compagnon, forcément. Et quand on dit rahimahullah, généralement c'est quelqu'un qui est venu après les compagnons. Même si on peut dire pour les enfants des compagnons, radiallahu anhum. Parce que forcément il y en a certains qui ont côtoyé et qui ont vu le prophète. Ou voilà. Donc si les générations après et les savants et les imams de cette communauté, on leur dit rahimahumullah. Donc quand vous voyez rahimahumullah, quelque part ça va vous indiquer que c'est ceux qu'ils ont suivis. Radiallahu anhum, généralement c'est que c'est un compagnon. Donc qu'Allah les agrée ou qu'Allah l'agrée, ça veut dire que c'est un compagnon. Donc il a dit qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al masjid qala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la mosquée, il dit bismillah اللهم صل على محمد. Et ensuite il dit وإذا خرج. Ça je vous le traduis pas parce que je pense que c'est clair. وإذا خرج قال. Et lorsqu'il sort, il dit بسم الله اللهم صل على محمد. D'accord. Donc là on voit que c'est à peu près la même invocation en rentrant et en sortant. Et ensuite il dit وروينا وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول. Il nous a été rapporté aussi la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de rentrer. الصلاة على النبي, c'est ça, c'est la prière sur le prophète au moment de rentrer dans la mosquée. والخروج منه, et la sortie de celle-ci, de la mosquée donc. من رواية ابن عمر أيضا, d'une version qui a été rapportée par ابن عمر. Et ce hadith est un hadith صحيح, est un hadith authentique. أخرجه ابن سني في عمل اليوم وحديث أنس ابن مالك وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. Donc il a été authentifié par l'imam الألباني ou Cheikh الألباني. Donc ce hadith est authentique. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en rentrant à la mosquée on dit bismillah. Encore une fois, là le but c'est juste de voir qu'est-ce qui doit être fait, ainsi de suite, d'accord. C'est pas les règles de bienséance en allant à la mosquée, ainsi de suite, qu'on trouvera dans les livres de fiqh. Là c'est les invocations qui sont rattachées aux actes quotidiens, ce livre-là. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ ibn Sunni, encore, donc il a été rapporté, donc là on est en train de lire un autre hadith, il a été rapporté de l'imam ibn Sunni عن عبد الله ibn الحسن عن أمه عن جدته. Donc là il a été rapporté donc de l'imam ibn Sunni qu'il a rapporté de Abdullah ibn al-Hassan, qu'il a été rapporté de sa mère, de sa grand-mère, d'accord. قالت, elle a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وَقَالَ il a, donc elle dit, lorsque le prophète s'est rentré à la mosquée, il louait Allah, et il le mentionnait, donc ça veut dire quoi, louer Allah, ça veut dire Alhamdulillah wa bismillah, de nommer qui, nommer Allah, ça vient de At-Tasmiya, on l'avait vu dans certains chapitres, que At-Tasmiya, le fait de nommer, c'est At-Tasmiya de dire bismillah. Et wa qala Allahumma ighfir li wa iftah li abwab rahmatik. Donc il disait quand il est rentré à la mosquée, oh Allah, pardonne-moi et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. D'accord? Wa idha kharaja qala mithla dhalik wa qala. Et lorsqu'il sort de la mosquée, il dit la même chose. D'accord? Et il rajoute Allahumma iftah li abwab fadlik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de tes bienfaits. D'accord? Donc voilà le hadith, et c'est un hadith je suis en train de lire, hein, pour vous éviter à part voilà. Akhrajahu Ibn Sunni fi 'Amal al-Yawm wa al-Layla min tariq Su'ayr Ibn al-Khamis bihi بالرأي في السعير هو أبو مالك أبو أو أبو الأوحاص قال ابن حجر في التقريب صدوق له عند مسلم حديث واحد في الوسوسة ولكن فيما دونه من لم أعرفه. Donc en fait c'est un hadith authentique, mais par contre il est arrivé par d'autres voies, et donc Ibn Hajar, c'est un des grands savants du hadith aussi, et qui a traduit, ou du moins qui a expliqué le livre de le Sahih de Bukhari. C'est pas le plus connu, mais c'est le plus répandu. Je vais pas vous dire pourquoi et pourquoi du comment, mais en tout cas il est plus répandu, et il s'appelle Fathul Bari. Fathul Bari, c'est Sharh Sahih al-Bukhari, et c'est un livre qui fait à peu près c'est même pas un livre, c'est des encyclopédies, il doit faire à peu près 15 tomes. Donc on continue. Et donc ce hadith est authentique. Wa rawayna fihi an Abi Umama an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, il a été rapporté de Abi Umama, donc c'est son prénom, qala inna ahadukum idha arada an yakhruja min al-masjid tada'at junud iblis. Quand quelqu'un veut sortir, arada an yakhruja, qui veut sortir de la mosquée, تداعت جنود إبليس. للسلطة إبليس إسولا. وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسوبها. فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقول اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده فإنه إذا قالها لم يضره. Al-Ya'soub, Zikr al-Nahl, Waqila Amiruha. Je vais juste regarder son authenticité. Hadith son da'if, Akhrajahum ibn Sunni, fi Amal al-Yum al-Layla, Waqila al-Abani, da'if, fi da'if al-Jami al-Sarir, da'if jiddan. Donc c'est un hadith faible, et très faible. Ils ont dit da'if jiddan. En tous les cas, al-ma'na, elle est bonne, le sens, il est bon. C'est pour ça que, bon, je vous ai dit, ça c'était les règles, et c'est pour ça qu'on le verra, et vous allez mieux le comprendre quand on va rentrer dans un livre qui s'appelle La science du hadith. Vous allez comprendre justement tous ces termes. Hadith da'if, hadith sahih, hadith da'if jiddan, hadith mawdou, hadith muftari, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des termes qui indiquent en même temps le type de hadith et son degré d'authenticité ou de faiblesse. Donc ce hadith est da'if, mais le sens est bon. Parce qu'il y a dans la vocation, dans votre livre, ou dans la citadelle des musulmans à travers votre application, qu'il faut faire la vocation quand on sort de la mosquée, Allahumma asimni min ash-shaytan ar-rajim. Oh Allah, protège-moi ou immunise-moi de ash-shaytan ar-rajim. Ça veut dire que ce sens, il est bon. Et on l'a dit donc dans les sujets qui ne traitent pas de la croyance, on peut utiliser les hadiths da'if, faibles, parce que leur sens est bon. D'accord ? Parce que de toute façon, il n'y a pas de statut juridique, il n'y a pas de sentence à travers ça, c'est juste des avis. D'accord ? Il n'y a pas le juge ne juge pas, le juge islamique bien sûr, le juge voilà, musulman, il ne juge pas avec ces hadiths-là. Il prendra des hadiths authentiques. Ça fait partie des règles du usul ou des règles de qudat, des juges. Qudat, c'est qadi au singulier. Qudat, c'est au pluriel, les juges. Et donc voilà, pour tout ça pour comprendre que ce livre-là, encore une fois, il n'est pas là pour vous apprendre quelles règles appliquer, ainsi de suite. Il est là pour vous montrer quelle action il faut faire à tel ou tel moment et par qui il a été rapporté, et ainsi de suite. Donc c'est juste pour augmenter vos connaissances et votre culture, on va dire, ou votre science par rapport à ça. D'accord ? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on a dit, apprendre c'est une chose, mais tant qu'il n'y a pas la pratique, cette science, ça va être contre nous. Et quand on l'appliquera, Inch'Allah, elle sera pour nous. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, essayez de faire ce que vous pouvez, et le but, c'est de pratiquer. On va s'arrêter là pour essayer d'avancer sur l'autre livre, et là, c'était un livre qui s'appelle Baboumaï, c'était le sujet, donc, en sortant de la mosquée, et là, on va, sur le prochain cours, Inch'Allah, faire le sujet sur le chapitre de quand on est à la mosquée. Quand on est à la mosquée, qu'est-ce qu'on doit dire ? Donc, le prochain chapitre, c'est quand on est dans la mosquée. Parce que là, on a vu, vous avez vu, le livre de fiqh et les livres de invocation, en fait, vous allez voir qu'en fait, il y a une démarche, en fait. Il y a vraiment une pédagogie, et on va dire, c'est des étapes. On a commencé par les invocations, dès que tu te réveilles, pourquoi ? Parce que le réveil, c'est comme si c'était la naissance. Donc tu commences, en fait, quelque chose. Et après, c'est tout ce qui est rattaché à la journée qui va suivre. Donc c'est ce qu'on a vu, quand tu te lèves, quand tu t'habilles, quand ainsi de suite. D'accord ? C'est en fait, c'est un peu l'enchaînement en fait de la vie, comme dans le livre des invocations de fiqh. Vous avez vu, c'est quoi? Ça commence par la purification. Pourquoi? Parce que tout commence par la purification, et après on a la prière, parce que c'est la première obligation après le shahada, et après ainsi de suite, tout ce qui en découle. Donc vous allez voir qu'en fait finalement tous les livres de science, ils sont plus ou moins détaillés. Ils ont un ordre chronologique en fonction de la vie des gens. D'accord? Donc on va s'arrêter là. Inch'Allah. Et on reprendra mercredi bi'idhnillah. Je vous préviendrai, mais je pense qu'on va faire un exercice sur ça, sur ce livre-là. C'est qu'il y a un moment donné, on va prendre peut-être quelques minutes. Et je vais poser des questions sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Après, en fonction de chacun, au moment auquel il est arrivé, et des réponses. Questions-réponses. C'est pas pour vous tester, c'est pour que vous vous rendiez compte, en fait, de ce que vous avez enregistré, de ce que vous n'avez pas enregistré, ou des lacunes, ou du relâchement, ou de la négligence, et ainsi de suite. D'accord ? Pour que chacun se rende compte qu'à un moment donné, il va se dire, bon, bah, faut que j'avance, parce que le but, c'est pas de faire que du présentiel. Alors, on va commencer le livre de croyance. Le livre de croyance, je vais vous faire la photo. Comme ça, celui qui veut l'acheter, Inch'Allah, il n'aura qu'à l'acheter. Voilà. Donc là, c'est le livre qu'on va faire, Inch'Allah. Il s'appelle Al-Hidayatu Rashida Sharhu Al-Bidayatu Fil Aqida. Al-Hidayatu Rashida, c'est la bonne guidée ou la guidée droite expliquée ou qui explique de l'explication de Al-Bidayatu Fil Aqida, le début ou le commencement dans la croyance. Donc ce livre, il est vraiment. Je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur ça, mais je sais que. Pourquoi je le redis ? Je le redis parce qu'encore une fois, je sais qu'en même temps, Shaitan et son armée, à travers les Wasaouis et ainsi de suite, ils font aussi leur travail de nous faire oublier, de nous faire penser à autre chose. Et du coup, quand on revient. Donc, pour ça, pourquoi je vous dis qu'il y aura des questions, tout ça ? Ce n'est pas pour vous tester, c'est pour que vous fassiez ce travail parce qu'eux aussi font ce travail. Donc, si vous ne le faites pas vous dans votre journée, forcément, il ne faut pas vous poser des questions. Pourquoi vous avez oublié ? Pourquoi ce n'est pas dans votre esprit ? Parce qu'on n'a pas fait les causes. La simple présence ou d'écouter, c'est bien dans un premier temps pour nous donner un rythme, mais après il faut que ça soit productif pour nous. Donc si on ne révise pas derrière, bah, ça va prendre du temps avant que ça rentre. Est-ce que je vais expliquer ça? Donc je vais essayer de lire rapidement la muqaddima, d'accord, et je vais voir s'il y a des choses intéressantes, je m'arrêterai et après on commencera sur le chapitre où on doit commencer. Alors alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله عز وجل شرح صدور أهل السنة والجماعة للعمل بكتابه. الله التخيو Azza wa Jal a ouvert le cœur de ceux de Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a, les partisans de la Sunna et de la Jama'a, les amal bi kitabihi, parce qu'ils appliquent et qu'ils pratiquent son livre. Wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, et la Sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa in qadu l'ittiba'aha wa amalu ala nashriha fi anha'i al-ma'mour Abra al-Azminati al-Mukhtalifa. Donc il a dit, et ils ont agi, ils ont transmis, ils sont investis à travers les siècles et les différentes époques. Wa la zalu yanshurunaha tadrisan wa tahfidan wa ilqa'an. Ils n'ont cessé de transmettre, d'étudier, d'apprendre, de mémoriser, c'est même pas apprendre. Tahfir, c'est même pas de l'apprentissage, c'est de la mémorisation. Wa ilqa'an, et de le transmettre. Wa sarat hujjatan 'ala al-mubtadi'a. Et donc elle est devenue, ou du moins tous leurs ouvrages et tous leurs travaux sont quelque part un argument contre les innovateurs. Wa qam'i Allah bihim bil-bid'ati wa imatuha. Et un obstacle ou un rempart contre les innovations et les innovateurs. وعلم أن أول العلوم بالاشتغال والاهتمام العلوم الشرعية التي مدارها على الكتاب والسنة. Et sache que la première des sciences et ce sur quoi on doit investir tout notre temps, c'est la science religieuse, la science qui est rattachée au Coran et à la Sunna, et qui tourne entre deux choses, donc encore une fois, comme il dit, au Coran et à la Sunna. Wa anna Allah lam yaklifuna bi shay'in fi hadhihi ad-dunya ra'ilatan illa bi 'ibadati. Et qu'Allah nous a pas, comment on s'appelle, rendu responsable dans cette dunya pour autre chose que son adoration. Donc la seule chose qu'Allah nous a tenu responsable, c'est son adoration. Donc le Yom al-Qiyamah, il va pas dire t'as fait tes études universitaires, t'as eu quoi comme master ou comme diplôme, t'as travaillé dans quel système, dans quel... Ces questions ne vont même pas être posées. Les seules questions qui vont être posées, c'est qu'est-ce que t'as fait de ton temps? Qui est ce prophète? Quelle est ta religion? En fait, tout ce qui est lié à le pourquoi du comment. Pourquoi on a été créé? Donc c'est pour ça que quand on fait un point, on fait un inventaire sur toute notre vie, on se dit que là, il commence à se faire tard, il faut commencer à se mettre au boulot. Parce que surtout qu'on a une chose qu'on sait tous par définition, le musulman et le mécréant, c'est que du jour au lendemain, tu peux partir. Taïb. Si nous, en tant que musulmans, on sait tout ça, qu'est-ce qu'on a préparé pour notre voyage? Vous voyez? Donc il faut se poser des questions. Il faut à un moment donné se revenir et dire, bon, j'ai suffisamment passé de temps à me consacrer à cette dunya, elle ne m'a fait que me rendre encore plus perplexe et insouciant et ignorant de la réalité du monde et de ce qui se passe et de moi-même. Donc faudrait peut-être que je m'y mette, parce que demain je vais bientôt rendre cette amana qui est mon corps, mon cerveau et mon cœur, parce que ça ne nous appartient pas. Demain Allah il va nous poser des questions sur qu'est-ce que tu as fait du cœur qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu as fait du cerveau qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu as fait du corps qu'on t'a donné. Tout ça, c'est sur ces questions-là qu'on va être posé. Donc, et la preuve donc de ce que dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc Allah, il a dit dans le verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc si Allah il aurait un autre objectif de la création des êtres humains, il l'aurait sûrement mentionné à la suite de ce verset-là. Par contre, à la suite, qu'est-ce qu'il dit ? وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَيْ يَرْزَقُونَ. Je ne cherche pas d'eux qui me donnent à manger ou qui me renforcent dans mon royaume. D'accord ? وَمَنْ ثَمَّ كَانَ مُحْتَمَّ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَيْ يَعْرِفْ كَيْفَ يَعْبُدْ رَبَّهُ اِعْتِقَادًا وَافِقًا وَفَقَهَا. Donc, et c'est pour ça qu'à travers ça, on comprend que chaque serviteur doit apprendre comment adorer son Seigneur. Quand tu as vu que ce verset, il te dit Allah, il s'adresse à tous les djinns qui sont là, ou à l'extérieur, ou avec nous, ou les êtres humains. Une fois qu'on a vu ce verset, il faut comprendre que Allah, il nous a donné un ordre. C'est quoi ? Il nous a donné aussi une information, c'est que vous les djinns, vous les êtres humains, je ne vous ai créé que pour m'adorer. Donc quand on sait ça, c'est qu'on va chercher donc à savoir de quelle manière adorer Allah. ومن ثم انهال العلماء على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاستنباط الأحكام العقدية. Et donc c'est pour ça que la plupart des savants ont cheminé à travers le Coran et à travers la Sunna du prophète صلى الله عليه وسلم afin de tirer des règles d'un point de vue croyance et d'un point de vue règle juridique, jurisprudentielle, si vous voulez. وَلْيَسْهَلْ عَلَى النَّاسِ الْعَمَلْ بِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا afin qu'il facilite aux gens leurs actions apparentes ou cachées. فَأَلَّفُوا الْكِتَابَ الْمَطُولَةَ وَالْمُخْتَصَرَةَ. Donc là, il parle surtout des gens de science et de leur travail. Et donc, les savants, donc ils ont fait tout ce travail-là, et ils ont écrit des livres longs et des livres courts, enfin, dans tous les sujets, dans tous les domaines. كُلُّ عَلَى حَسَبِ حَاجَةَ أَهْلِ عَصْرِهِ. En fonction de chaque besoin de l'époque, de la communauté, des gens, de l'environnement dans lequel ils vivent, le cadre, ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos savants, il y en a qui savent dans quelle époque on vit, et qui donnent et qui étudient et qui écrivent des sujets ou des livres qui concernent notre époque. D'accord ? Ensuite, وَعَلَى قَدْرَ فَهْمِهِمْ وَاسْتِعْبَائِهِمْ. Donc en fonction de leur compréhension et de ce qu'ils ont cerné. ومما أسهم إسهامة كبيرة في تقريب العلوم الشرعية فضيلة الشيخنا. Donc là après, c'est pas que c'est pas très important, mais bon, celui qui achète le livre, il verra ce qu'il dit. Donc là on commence un tamhid. Un tamhid, qu'est-ce que ça veut dire tamhid? Pour répondre au téléphone, il est où ton téléphone? Ah, c'est celui-là. Un tamhid, c'est quoi? On avait expliqué. At-tamhid, qu'est-ce que c'est? Bon, pour aller vite, at-tamhid, c'est introduction. C'est comme le préambule. On l'avait lu dans des livres. Et pourquoi, encore une fois, je vous ai dit, j'essaie d'évoquer tout ça, c'est pour que vous vous familiarisez avec tous ces termes-là, et avec comment les livres y sont écrits, et quand vous les vous ouvrez, vous savez comment vous vous retrouvez dedans, vous n'êtes pas perdu. D'accord? Donc, at-tamhid, c'est une introduction. Donc, on va commencer, Inch'Allah. قبل الشروع في شرح الكتاب نقدم له بتمهيد لا يستغني عنها طالب العلم يتخلص في ثمان مقدمات. Avant de rentrer dans l'explication du livre, d'accord, on va, ou là je traduis, attends, quand je dis on va, je fais rien. Donc je dis l'introduction, la traduction, moi je ne fais que traduire. Quand je dis je traduis au nom du cheikh, hein. Moi je traduis, enfin j'explique rien du tout à la base. Je ne fais que reproduire et retranscrire ou retransmettre ce qui a été dit. Donc, at-tamhid, c'est préambule ou introduction, si vous voulez. Donc, comme dans chaque livre, il y a une préambule et le but c'est d'aider le lecteur à se préparer à tout ce qui va suivre. Donc, نقدم له بالتمهيد. Nous allons nous lui mettre en avant un préambule qu'il aura besoin, que l'étudiant en sciences aura besoin. Encore une fois, c'est vrai que là, on a un certain niveau où on essaie d'étudier des livres de sciences. Pourquoi ? Bah, pour que vous ayez des bons fondements et qu'on arrête d'être baladé à travers des faux prêches et une fausse da'wa qui, comme je vous l'ai dit à chaque fois, elle est vide. Hein? Parce que c'est un fait. Il n'y a pas de quand vous voyez ce que vous avez appris à travers ces écoutes ou à travers toutes ces écoutes, finalement rien. Parce que là, le but, c'est justement d'avoir des bases pour que après, justement, tout ce que vous allez écouter, ben, ça sera complémentaire, ça sera supplémentaire, ça vous permettra d'avoir un meilleur angle de vue, et ainsi de suite. Par contre, si vous n'avez pas une base solide, voilà. Moi, c'est grâce à Allah, c'est un peu par là que je suis passé. Ce qui fait qu'après, c'est vrai que quand on développe certains sujets, ou quand on va écouter, ou quand on va lire ailleurs, ben, ça ne va faire que nous enrichir encore plus. Voilà. Donc, Tamhid. Alors, le premier des sujets. Là, je vous conseille sincèrement de prendre des notes. D'accord ? Le livre qu'on va faire, il est plus ou moins long. Il fait à peu près 300 pages. Il fait 350 pages. Donc, on va avoir pas mal de sujets qu'on va voir sur toute la croyance. Donc, je vous conseille de prendre un livre, un cahier où vous allez prendre des notes. Pareil pour le livre de fiqh, parce que là, comme je vous dis, vous allez commencer à avoir des notions, inshallah, vraiment solides. Donc, dans le sens où vous allez mieux comprendre votre religion, Allah, et votre pratique, ainsi de suite. D'accord ? Et normalement, après Kitab al-Adhkar, je ne sais pas si on aura le temps de finir, parce que celui-là, il est long. Il y avait un autre livre sur l'asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah. Donc, on commence. Awwalan ta'rif ilm al-aqida. Première des choses, définition de la science de la croyance. Al-aqida, définition de la science de la croyance. Premier sujet. Donc, comme vous avez pu remarquer, à chaque fois, il y a une terminologie. On va définir les mots pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, pour qu'on puisse avoir la même compréhension, pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui fait que justement, après, on n'aura pas la même compréhension que la masse. Pourquoi ? Parce que nous, on est en accord avec ce qu'on a pu étudier, ce qu'on a pu lire, qui est rattaché au Qur'an et à la Sunna. Donc, en fait, il y a un suivi, il y a une transmission scientifique. D'accord ? C'est pas quand vous allez poser la question aux gens, c'est quoi la croyance ? Tellement ils vont pas comprendre, ils vont citer les cinq piliers. Oui, mais c'est pas ça que c'est quoi la croyance concrètement ? C'est pas de citer les cinq piliers, c'est de l'expliquer. Donc, là on part sur la tout le temps sur des définitions et sur une approche académique et scientifique. D'accord ? Alors, la première des choses, aqidatun, al-aqidatun luratan. La croyance d'un point de vue terminologie, d'un point de vue de son sens en arabe. D'accord ? Luratan, c'est-à-dire dans la langue. La terminologie dans la langue. Le mot al-aqida, qu'est-ce que ça veut dire ? Ala wazna fa'liya bima'na maf'oula. Hey, bon, ça je passe, le jour où on avancera au niveau Nahu, on expliquera, parce que là, forcément, vous allez voir, tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, c'est là que vous allez voir que, finalement, je ne fais que suivre, enfin dire, une méthodologie, grâce à Allah, qui nous permet d'être sur le haq, bi'idnillah, et parce que, justement, on ne déroge pas à la règle. C'est que, on doit amener notre esprit, notre manière d'approcher les choses selon les textes, non pas selon moi ce que je pense ou selon l'autre ce qu'il a dit. Parce que nous, c'est sur des bases et sur des preuves, d'accord ? Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on va être en accord avec forcément les textes et forcément, à l'intérieur, dans notre tête, dans notre cœur, les choses se construisent. Donc, al-aqida, automatiquement, on va rentrer dans plein de définitions ou dans plein d'autres domaines, et c'est ce que je vous dis depuis le début. Pour étudier les sciences, il faut un ensemble de domaines. Donc, il faut y aller progressivement, mais pour évoluer, pour avancer, ainsi de suite, il va falloir à un moment donné l'arabe. L'arabe, après, se divise en deux catégories principales pour étudier. Pas qu'en deux, il y en a plusieurs, mais principal, c'est al-nahw as-sarf, la grammaire et la conjugaison. Tout ça, pourquoi ? Pour savoir mieux lire les mots, mieux les comprendre, mieux connaître la racine, connaître les définitions, et ainsi de suite. Ce qui fait que vous allez avoir une approche beaucoup plus technique. Ou aslaha, aqada. Donc sa base de al-aqida, c'est comment ça s'appelle? Aqada, c'est noué, d'accord? C'est un nœud. Aqada, c'est un nœud. Donc la base du mot aqida, c'est un nœud. Wa huwa yadullu ala shiddin وَشِدَّةٍ وَأُثُوقٍ. Et ça indique en fait une dureté ou quelque chose de ferme et de rigide ou de dur. D'accord ? وَعْتَقَدْتُ كَدَا. Et je crois en ceci. Ça veut dire que عَتَقَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْضَمِيرِ. J'ai cru de mon cœur et de mon, c'est-à-dire de tout mon corps. D'accord ? C'est ça, de croire en quelque chose. C'est quelque chose de fort. C'est une croyance ferme, dure, rude. Et c'est pour ça qu'on dit وَعَتَقَدْتُ كَدَا. Je crois qu'il a raison ou je crois qu'il a tort. C'est-à-dire, au fond de toi, c'est une croyance ferme. وَالْعَقِيدَ. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous ne comprenez pas. Si c'est pas clair ou quoi. وَالْعَقِيدَ. Samir, je ne sais pas, elle n'est pas là, Farah. Je me soucie des élèves et des étudiants, c'est normal. Et Farida, je ne sais pas si ta fille, elle est là aussi, Farah. Elle s'appelle aussi Farah. Bon, Maryam, mashallah, elle est là. Allah me barik. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas là, mais bon. Khair, inshallah. De toute façon, je pense qu'ils peuvent rentrer, hein, normalement. Après, khair, inshallah. Ah, d'accord. Alors, donc on continue. Wal-aqida, j'ai dit, ma yadinu l'insanu bihi. Al-aqida, finalement, comme c'est traduit là, c'est la voie ou le chemin ou le cheminement que l'être humain suit ou que la personne suit. Donc l'aqida ou l'aqida tout, ça veut dire ça. D'accord ? Donc là vous allez mettre plusieurs définitions. Pourquoi ? Comme je l'ai dit en langue arabe, vous savez, je vous ai dit d'apprendre l'arabe par l'arabe. Et en fait c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait ils vont nous donner plein d'explications. Pourquoi ? Pour que tu t'imagines dans ta tête le mot. Parce qu'il peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. D'accord ? Donc c'est ça le but en fait, de donner plusieurs explications. Et comme je fais moi, quand je traduis pas le mot. Je vous donne plein de mots, plein de termes pour que chacun puisse trouver le mot qui est approprié à lui pour qu'il comprenne. وَيُقَالْ لَهُ عَقِيدَةٌ حَسَنَةٌ مَا سَالِمَةً مِنَ الشَّكِ. Et on dit aussi, il a une croyance saine, pure de tout doute ou exempte de tout doute. D'accord ? Donc vous voyez, même dans la raqiyah ou ainsi de suite, quand je vous dis il faut être convaincu, parce que la conviction c'est le contraire du doute. Pourquoi ? Parce qu'à partir du doute, eux ils arrivent à pénétrer. Dès que tu doutes, ils pénètrent. Dès que tu doutes, ils arrivent à t'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est une question de conviction. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ton cœur il n'est pas ferme pour le repousser. Donc ce qui fait qu'ils arrivent à trouver des failles, des petits passages. Donc c'est pour ça qu'on dit que al-aqidah, al-yaqin, c'est une particularité de l'aqidah. La ferme conviction, c'est une partie de l'aqidah. Et c'est ce qui est contraire au doute, au shak. Wa aqidat al-rajul, et la croyance de la personne, dinuhu alladhi attaqadahu. Quand on parle donc d'une personne, quand on parle de croyance concernant une personne, c'est la religion de laquelle il croit, ou il a la conviction. D'accord ? C'est une conviction vis-à-vis de sa religion. Donc quand on parle de aqida concernant une personne, c'est ça. Quand on parle de aqida d'un point de vue général, on parle de nœud. Et en fait, c'est un nœud, ou c'est un noyau qui est dans ton cœur, qui est noué dans ton cœur. D'accord ? Et ça, c'est le mot aqida. Donc là, on a vu le mot aqida dans un terme, ou dans une d'un point de vue terminologique arabe. Des termes, quoi, en gros. Dictionnaire, quoi, enfin des mots. Là, maintenant, on va voir l'aqida d'un point de vue religieux, c'est-à-dire d'un point de vue shara'i. C'est-à-dire que le mot aqida dans le Coran et dans la Sunna, qu'est-ce qui nous est rapporté ? D'accord ? C'est pour ça quand on dit istilahan, c'est fistilah al-shara', dans la terminologie de la religion. Et quand on dit fistilah al-lura, dans la langue arabe. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les deux termes, pour voir déjà où ils se rejoignent, où ils se divisent ou ils se séparent et que peut-être ils ont un sens des fois qui peut avoir un, comment ça s'appelle pas opposé mais qui peut avoir deux sens mais qui ont la même finalité. Bon, istilahan hiya hukm ad-dahni al-jazim, c'est une istilahan c'est un statut religieux dans l'absolu, d'accord, c'est ça le statut istilahan, c'est-à-dire pas d'un point de vue aqida. Là on parle du mot istilahan. Qu'est-ce que ça veut dire istilahan? Ça veut dire que c'est une chose qui s'est établie et qui est fait dahn dans en nous. Et le jazm, ça veut dire c'est dans l'absolu, c'est ça son sens. D'accord? فإن كان موافقا للواقع فهو صحيح. Donc cette croyance, il a dit, si elle est en accord avec la réalité, donc des choses connues, c'est une aqida sahiha. Fahuwa sahih. Elle est authentique. Wa illa fahuwa fasid. Et si ce n'est pas le cas, elle est alors corrompue. C'est-à-dire que si par exemple, je crois qu'il va donner des exemples. Je vais voir, s'il ne donne pas des exemples, je vais vous donner des exemples. Donc si cette croyance, elle est en accord avec la réalité des choses, elle est authentique. Maintenant, si elle est en contradiction, elle est fausse. Elle est mauvaise. فاعتقاد النصارى أن المسيح ابن الله اعتقادا فاسد. Voilà, donc il a donné un exemple. Par exemple, de croire que la croyance des chrétiens, que Jésus est le fils d'Allah, elle est fausse cette croyance. Donc, elle n'est pas en accord avec la réalité du Coran ou de la Sunna. Donc cette croyance est fausse. لأنه غير مطابق للواقع. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conforme à la réalité. واعتقادنا أن الله واحد أحد اعتقادا صحيح لأنه مطابق للواقع. Donc une autre croyance du fait qu'Allah est le seul et il n'y a personne avec lui. Il était tout seul avant et après, et il n'y a jamais eu personne et il n'y aura jamais personne avec lui. Ou à sa hauteur, ou à son niveau. Ça, c'est une croyance authentique. Cette croyance est authentique, pourquoi? Parce qu'elle est conforme à la réalité des choses. Et elle est conforme au Coran et à la Sunna. D'accord? Donc c'est simple, en fait, c'est simple. Il est en train de nous donner des arguments, c'est quoi? C'est que dans ta tête, tout ce qui est en désaccord avec la réalité des termes, tu te dois de le chasser de ton esprit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en accord, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on est perturbé, des fois psychologiquement, ceux qui ont des waswas et ainsi de suite. C'est parce qu'en fait, dedans, il y a plein de fissures, il y a plein de trous, il y a plein de points d'entrée. Donc ce qui fait que, il véhicule facilement. Tandis que celui qui a une croyance saine, correcte, solide, et qu'il apprend, et ainsi de suite, dès qu'il y a un waswas qui vient, il va être repoussé. Pourquoi? Parce que c'est fermé. Il sait que c'est pas en accord avec la réalité des choses. فقولنا حكم الدهن. Donc là il va expliquer qu'est-ce que le حكم الدهن. خرج به ما ينطق به الإنسان لأنه إذا قد يقول ما لا يعتقد. Donc le حكم الدهن c'est tout ce qui va être خرج به ما ينطق به الإنسان, tout ce qui va dire l'être humain mais qui est en désaccord ou qui est au contraire avec la croyance. D'accord? C'est لأنه إذا قد يقول ما لا يعتقد, parce qu'il peut dire des choses qui en fait il ne croit pas. Donc en fait le حكم الدهني c'est tout ce qui va être sorti de la bouche de la personne ou de l'individu ou de musulman qui n'est pas en accord avec la réalité des choses. قولنا الجازم الجازم خرج به الشك لأنه الشك لا يسمى عقيدة. Donc le mot جازم qu'on avait vu dans la première parole en haut, dans la page juste avant, jazim ça veut dire kharaja bihi shak, c'est le contraire du shak. D'accord? Jazim ça veut dire dans l'absolu. لأنه الشك لا يسمى عقيدة. Pourquoi? Pourquoi c'est le contraire? Parce que ça, pareil, c'est en contraire avec la réalité des choses. Parce que le doute, c'est le contraire de la croyance. Parce que la croyance, c'est une conviction. Donc, on ne peut pas être convaincu et douter en même temps. C'est clair. C'est quelque chose d'impensable. Ton esprit ne peut pas croire en une chose et douter d'une chose. Enfin, croire. Enfin, prendre par exemple Allah, tu ne peux pas croire en lui et douter de certaines choses. Thaniyan. Donc là, on va voir deuxième chose. Mawdou' ilm al-aqida. Le sujet de la science de la croyance. Qu'est-ce que la science de la croyance? يتناول علم العقيدة عدة مواضعات تتعلق بإيمان العبد. La science de la croyance, elle est composée de plusieurs domaines et sujets qui est rattaché à la foi du serviteur. Moi, je vous conseille d'écrire. Hein. Donc, si vous avez besoin de me dire, attends, répète ou tu peux relire, n'hésitez pas, parce que on va essayer d'avancer chapitre par chapitre et il y aura pareil des questions. De plusieurs domaines ou de plusieurs sujets qui concernent la foi du serviteur. Donc, la science de la croyance, la science qui concerne l'aqida, est composée de plusieurs sujets et de plusieurs domaines qui sont rattachés à la foi du serviteur. وأعظم هذه الموضوعات et le plus important et le sujet le plus je sais pas est-ce qu'il y a quelque chose de plus important, le terme plus important, le plus noble ou le plus valeureux ou le plus honorable, par exemple, c'est la science qui est rattachée à vous pouvez répondre dans le groupe. La science la plus importante, elle est, c'est laquelle? Bismillah. Essayez, comme je l'ai dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Si on n'essaye pas, on ne va jamais apprendre en fait. Bon. Je sais pas si, j'espère qu'au moins vous êtes vivant. C'est l'essentiel. Parce que là, de quoi t'as pas compris? Donc la science, là on parle de l'aqida. D'accord? Faut pas oublier qu'on a déjà parlé des sujets de l'aqida dans nos trois fondements et dans d'autres livres. Et on a vu que l'aqida, la croyance, on l'a vu. Elle est composée de combien de piliers? De six piliers. Tarkid, j'ai pas compris, Farida. Tarkid. Ah, Tawhid, tu veux dire. Oui, c'est ça. En quelque sorte, c'est ça. Mais je voulais plus que vous soyez précis, c'est la science qui est rattachée à Allah, qui est le Tawhid. Bien sûr, c'est le Tawhid. Et c'est celle-là la plus valeureuse et la plus honorable et la plus grande et la plus importante. Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatadammanahu min tawhid al-ilahiyya wa tawhid al-rububiyya wa tawhid al-asma wa sifat. Donc, pourquoi je vais dire en même temps qu'on va faire un livre qui s'appelle Les noms et les attributs d'Allah? Parce que ça rentre dans la croyance. Parce que le but, c'est vraiment qu'on soit complet. Donc là, on est en train de voir quoi comme tawhid? On est en train de voir le tawhid de l'uluhiyya. Et le tawhid de l'uluhiyya, c'est le tawhid de l'adoration. Donc en fait, on est en train de faire ça. Et forcément, on va toucher le tawhid al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. Pourquoi? Parce que c'est rattaché. D'accord? Donc voilà, c'est la science la plus importante, la plus valeureuse, et celle que, pour laquelle, d'ailleurs, on a vu dans les livres, enfin les sujets qu'on a vus, que tous les prophètes ont été envoyés pour ça. Donc on voit très bien pourquoi c'est important, pourquoi cette science dépasse les autres de pas de très loin, elle n'a rien à voir guère avec les autres sciences. Du moins, toutes les autres sciences découlent de cette science-là. Parce que la science appartient à Allah. Donc toute cette science appartient aussi à Allah. Donc si on veut qu'Allah nous donne un peu plus de ilm, il faut qu'on se consacre un minimum sur ça. كما يتناول علم العقيدة ما يجب اعتقاده نحو الملائكة والرسول عليهم السلام والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. Donc comme la science de l'aqida est aussi comment s'appelle aussi ou concerne ou c'est aussi une croyance concernant les anges. On l'avait vu justement dans les piliers, dans les six piliers. La croyance, c'est la première croyance d'Allah, des anges, des livres et ainsi de suite. Donc là, il nous dit, c'est aussi la croyance concernant les anges, concernant les prophètes, que le salut soit sur eux, concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Pourquoi ? Qui c'est qui a transmis ? C'est les compagnons. Qui c'est qui a transmis après les compagnons ? C'est les tabi'in. Les tabi'in, qui sont-ils ? Ce sont les enfants des compagnons. Et après, on allait taba' tabi'in, les enfants des les petits-enfants des compagnons, les petits-enfants des petits les petits-enfants des enfants des compagnons, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, cette science-là est rattachée aussi, ou du moins est liée un peu à eux, parce que ce sont eux qui ont véhiculé, qui ont transmis cette science. Thalithan, thamaratu ta'lim ilm al-aqida, les fruits de l'apprentissage de la science de la croyance. Quels sont les fruits ? Quel est le résultat qu'on va obtenir à travers l'apprentissage de cette science ? La première des choses, إن العقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها ثابتة. La première des choses, c'est d'avoir une croyance islamique, authentique, saine, sur des fondements solides. Voilà le premier résultat de l'aqida ou de l'apprentissage, c'est d'avoir des fondements inébranlables. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on voit que la majorité des gens sont dans différents bords ? C'est parce qu'en fait, je vous dis de le faire sans pour tester les gens, sans pour les éprouver, mais juste pour que dans votre tête vous le compreniez et que ça soit clair. Posez des questions dans votre entourage de ce que vous apprenez. C'est quoi la croyance ? C'est quoi, si tu tout ce qu'on a pu voir. Et vous allez voir que ça met des réponses vagues. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement, ben voilà, là, voilà le niveau de connaissance ou de compréhension de notre religion. C'est qu'en fait, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Et surtout, sur quoi c'est basé. Parce que vous allez peut-être pouvoir essayer de réfléchir et donner des preuves, parce que vous allez commencer à avoir des notions, mais eux, rien du tout. Ils vont rien chercher. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas. Donc, La comparaison et le fruit, c'est que le premier, c'est qu'on a une croyance saine, solide, authentique, conforme, avec des fondements inébranlables. Bi-idhnillah. Wa asasuha salimatu. Wa qawa'iduha mutaniyatu hiya. Duna ghayraha. Et c'est une science, ou c'est un fondement, ou c'est des bases que vous allez avoir, ou qu'on aura, Inch'Allah. Et qui sera vraiment contraire à ceux que, enfin, tous ceux qui sont autour. Parce que forcément, si on suit cette religion, on doit tous être même être sur la même base, sur les mêmes fondements, sur les mêmes sujets. On ne va pas diverger. Et si on diverge, c'est que l'un d'entre nous a une croyance mauvaise. Par exemple, celui qui croit que les juifs et les chrétiens ils peuvent rentrer au paradis. Ou qui sont sur une bonne voie. Je donne ça parce que c'est flagrant, c'est connu, et c'est des sujets qui sont normalement connu dans la religion par nécessité. C'est-à-dire même les non-musulmans, il sait que pour lui, les musulmans croient que eux, ils n'iront pas en paradis. Donc même le mécréant, il le sait ça. Par contre, les musulmans, ils disent non, certains qu'ils ont... Enfin, je ne vais même pas dire qu'ils ont une foi, parce qu'il n'y a pas... Non, mais chacun sa religion, Dieu, il a renvoyé des prophètes, ainsi de suite. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, on commence à polémiquer et à rentrer dans des sujets qui nous dépassent. Non. C'est pas nous qui décidons, c'est Allah. C'est pas notre religion. C'est pas nous qui déterminons. C'est Allah. On ne fait que affirmer et confirmer ce qu'Allah a dit. Maintenant, celui qui va affirmer autre chose, bah, qu'il aille choisir une autre religion. Parce que comme Allah il dit quoi ? Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion accepté, toléré auprès d'Allah et reconnu, c'est l'islam. Et un autre verset où Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِيْغَيْا الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقَبَلَ مِنْهَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui veut notre religion que l'islam, Allah ne l'accepte pas de lui. Et son, et comment s'appelle Allah ne l'accepte pas de lui et il fera partie des parmi il fera partie dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ceux qui prétendent ça, ils prétendent ce qu'ils veulent, mais dites pas que c'est au nom de l'islam. Donc change de religion en arrière. Mais vu que justement, à un moment donné, on va se dire que bon, ok, il veut pas changer de religion, donc il fait un jeu. Ou il le sait, ou il fait ça, ou c'est un ignorant. Et donc si c'est un ignorant, qu'est-ce qu'il fait à prêcher ? Ça, je vous dis quand vous voyez que je me mets peut-être un peu en. Je m'emballe un peu ainsi de suite, c'est parce que c'est ça, je suis face à ces deux choses. C'est où tu le fais exprès. Et là, à ce moment-là, il faut mettre les gens en garde contre ces gens-là, parce que c'est un poison. Ou sinon, tu ne le sais pas, mais dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de parler. Parce que si tu parles, tu es en train d'induire les gens en erreur, dans des sujets qui touchent la croyance. Parce que celui qui croit ça, c'est quoi? Il dément Allah. Donc de démentir Allah, tu démens le Coran, tu démens la Sunna, tu démens tous ceux qui ont suivi parmi les compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est quoi finalement? C'est quoi? C'est notre religion? C'est on a changé d'époque? On est devenu tous musulmans? Enfin je sais pas. C'est quoi leurs arguments quoi? C'est pas compréhensible. Donc le but c'est vraiment voilà. Pourquoi je passe sur ces sujets-là? Pour que chacun ait une base solide et qu'il puisse voir l'égarement et les ennemis d'Allah et du prophète et de l'islam de très loin et qu'ils s'en prémunissent avant tout. C'est pas d'abord de mettre en garde. D'abord, c'est pour se prémunir, de pouvoir distinguer la guidée de l'égarement. Et après, si Allah nous donne des compétences, des connaissances, de la sagesse et la bonne méthodologie, d'essayer de transmettre aux gens, inshallah ta'ala. Donc, entre autres, c'est bien fait d'avoir d'apprendre la science, c'est donc d'avoir des fondements fermes. Et allati tahaqqiqa linnas sa'adatihim, car à travers justement cette croyance, la félicité ou les bienfaits vont se confirmer ou vont s'appliquer en toi, inshallah. Ensuite, wa rafa'atihim, leur niveau, leur élévation ou le degré qu'Allah va leur donner dans cette dunya et l'akhira, wa falahihim fi dunya wal akhira, donc c'est ce qu'il a dit, et leur bien ou leur félicité ou leur réussite dans ce bien dans l'au-delà, li wuduh ma'alimiha, par le fait qu'ils ont compris les choses, wa sihhata dalailiha, et l'authenticité ou la fermeté ou la véracité de l'argument ou de leur argument. Celui qui est sur une bonne croyance, tu vas avoir des arguments inébranlables et personne ne pourra te mettre à dos ou te mettre de doute ainsi de suite, parce que tu le sais par les preuves maintenant. C'est pas on te l'a dit, tu l'as lu, tu l'as étudié. Donc maintenant tu vas partir d'un principe, c'est que on ne dit pas comme ça, c'est que dans notre tête on sait que cette personne là elle a de grosses ambiguïtés, et ces grosses ambiguïtés sont dues au fait qu'elle ne connaît pas sa religion. D'accord? Donc voilà, tout ça en fait c'est pour que ça permette de faire un gros tri dans votre esprit et que ça détruise tous ces shayatines qui sont là, qui veulent vous faire douter d'Allah et de ce qu'il a transmis et de ce qu'elle est cette religion réellement. Et forcément à un moment donné, quand cette chose là comme je vous l'ai dit, c'est une lumière qu'Allah va inscrire dans votre esprit, bah forcément les ténèbres vont se dissoudre. Et qui sont ces ténèbres? C'est ces shayatines, entre autres. والسلامة برهانها وحجتها لمواقفها للفطرة السليمة والعقل الصحيح والقلوب السوية. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je viens de dire, c'est que ça va purifier votre cœur, votre esprit de toute imperfection, de mauvaise compréhension, de mauvaise analyse, de mauvaise approche, et que vous allez vraiment maintenant, parce que pourquoi en fait finalement, c'est parce qu'Allah en fait a mis ça dans votre cœur et dans votre esprit qui va vous permettre finalement maintenant d'avancer. On va se faire encore un peu quelques minutes, on va s'arrêter là inchallah. ولهذا فإن العلم الإسلامي في الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية الناقية. Donc tu vois, ce cheikh là je ne le connais pas, mais ceux qui sont dans une croyance, on va dire plus ou moins similaire, on va avoir les mêmes soucis, les mêmes besoins, les mêmes approches, les mêmes visions, ou du moins du faux, et des partisans du faux et des prêcheurs du faux. Donc il a dit, le cheikh, et à cause de ceci, la science religieuse ou islamique. Salam alaikum, vous m'entendez? Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Oui, parce que on a invité les shayatines à participer au cours, mais apparemment ils sont pas intéressés. Donc voilà. Bon, alhamdoulilah, si vous entendez, on va continuer. Donc, le cheikh il a dit, c'est pour ceci que la science religieuse, dans son ensemble, elle est très importante. Elle est, c'est un sujet d'extrême importance et urgent de comprendre la croyance saine et authentique. Car la majorité des gens ne sont pas sur une bonne croyance. C'est pour ça que beaucoup de gens croient en plein de choses. Que tu peux parler aux morts, que tes morts ils t'entendent, que tu peux invoquer, comme ceux qui vont vers les tombes, ils parlent à leurs morts. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, j'ai dit mais pourquoi? Ben je lui parle parce que voilà, il m'entend. Et... J'ai dit t'es sérieuse? Mais un mort n'entend pas et son âme il n'est pas là. C'est l'âme qui donne vie au corps. Donc j'ai dit faites attention au telbis de shayatan et des shayatin. Et là, et quand on va au cimetière, il y a une invocation à faire, et tu sais, tu repars. Le prophète, lui, c'est dans la sunna, ça n'existe pas. Ça, c'est une culture occidentale de ramener des fleurs, de les arroser, et tu te recueilles devant. Mais ça n'existe pas. Faut arrêter un peu tous ces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui fait partie d'un peuple, et celui qui veut être dans un peuple fait partie d'eux. Nous, on fait partie d'eux. Et on fait. On le voit qu'on fait partie d'eux. Parce qu'on fait tout, on le voit très bien, là on est en train de s'éduquer, on est en train de nettoyer. Ça veut dire qu'en fait, on est tout le contraire de ce qu'on doit être. Donc c'est pour ça qu'on a plein d'ambiguïté d'un point de vue croyance, qu'on a plein d'ambiguïté d'un point de vue objectif, d'un point de vue ordre de priorité, d'un point de vue investissement dans la dunya, au niveau de montant. On est vraiment perdu. C'est pour ça que des fois quand on est malade, le vrai problème c'est pas la maladie, c'est tout ce qui constitue la personne en fait, et l'environnement dans lequel on est. Donc forcément ces prêcheurs et ces prédicateurs entretiennent ça, ils mettent encore plus de doute dans le cœur et dans l'esprit des gens. Donc pourquoi on ne parle pas de ça? Parce qu'à un moment donné on va être amené à une chose, c'est qu'il faut qu'on corrige notre croyance, qui est la base de tout. Parce que si Allah on veut qu'il nous facilite, il faut d'abord qu'on passe par le début, le commencement. C'est de tout détruire, de creuser en profondeur, d'enlever toutes ces impuretés et de remettre la ilaha illallah, d'accord, et après on construit à partir de là. Et justement cette science elle sert à ça. Donc ومن أهم الثمرات التي يثمرها علم العقيدة في النفس المؤمن. Donc et la première ou le premier fruit qui vient rentrer dans le cœur du musulman au niveau de la croyance, c'est أنه يصحح الإيمان بأركانه الستة. C'est qu'il va purifier la croyance du musulman ou concernant les six piliers de la foi. C'est le premier travail que la croyance, quand vous allez l'apprendre et quand on est en train de l'apprendre, c'est ce qu'elle est en train de corriger. Donc au fur et à mesure, on va détailler tous ces points-là. Allah, on l'a vu. D'accord? On avait vu dans les piliers de la foi, dans le livre des trois fondements. Et là, avec ce livre-là, on va essayer d'après en rentrer un peu plus en profondeur. On va voir maintenant qui est Allah, on va prendre du temps. On va prendre des arguments. C'est pour ça que je suis en train de préparer un autre livre qui s'appelle Asma wa Sifat, les noms et les attributs d'Allah. Parce que ça rentre dedans aussi. Inch'Allah. Donc les premiers sujets, c'est ça. Ensuite, أنه يقوم الجوارح. سبحان الله. C'est pour ça qu'on dit, malheureusement des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont faibles, même physiquement. Tu sais pourquoi? Non, parce qu'ils nous pompent notre énergie. Donc comme on a dit, vu qu'eux, ils sont énergie. Des fois, il y a des personnes qui se sont vidées, ou des fois, après des ruqya, ainsi de suite, on se sent vidé. Parce qu'en fait, toute cette énergie néfaste ou négative, ainsi de suite, elle a été absorbée. Et après, quand tu, à travers le Coran et comment s'appelle le traitement, tu vas te sentir normalement un peu plus forte. Et à travers les ibadat. Et c'est pour ça que c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'il dit le shir, la deuxième des choses, c'est qu'il renforce ton corps. Donc, vous voyez, donc là, ça n'est pas qu'une question de cœur. les adorations, les prières, les ablutions, et ainsi de suite. D'accord ? C'est pour ça que quelque part, ça affaiblit qui ? Les shayatines ! J'arrive pas à faire les prières, j'arrive pas à faire mes ablutions, ou le traitement, j'arrive pas à le tenir, ou j'arrive pas. Pourquoi ? Parce que ça vous renforce et ça les affaiblit. Donc l'inverse aussi il se fait. Donc là, ça vous renforce le corps et je dirais normalement, il aurait commencé par là, ça commence d'abord à renforcer le cœur, qui va après renforcer l'esprit, qui va à son tour renforcer le corps. فَإِذَا آمَنَ الْعَبْدُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ. Donc si le serviteur vient à croire au nom des attributs d'Allah, donc vous voyez pourquoi j'ai préparé ce livre des noms et des attributs d'Allah, parce qu'en fait ça fait partie, parce qu'on ne connaît pas Allah. Je veux dire Al-Aziz, ouais, je connais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allahu a'lam. Al-Hakim, ouais, je sais plus ou moins. Mais que... non, c'est pas une traduction qu'on demande, même si tu viens me donner une traduction. C'est pas la traduction, c'est qu'est-ce qu'il en est de cet attribut qui concerne Allah ? Al-Hakim, oui, exactement, mais tout ce que lui, il est en fonction de ce qu'il lui a dit, et pas plus ni moins. Et c'est ce qu'on va voir dans les noms des attributs d'Allah. On n'ajoute pas plus, on n'interprète pas, on dit ce qu'il s'est appliqué, on le répète et on confirme que ce qu'il a dit, et ce que le professeur m'a dit, et ce que les compagnons ont dit. C'est pour ça que tant qu'on fera ça, on sera sur une aqida salima et ferme et solide, et là vous allez voir en fait, tous ceux qui ont une mauvaise croyance, ou tous ceux qui partent dans des dérives, et dans des délires, et dans des trucs de malade, pourquoi ? C'est parce qu'en fait il y a un problème dans leur croyance, il y a un problème dans les noms et les attributs d'Allah, ils ne connaissent pas bien Allah. Pourtant ils se prétendent, hein, parce qu'il a un diplôme, il a un master, parce qu'il a étudié dans tel centre et dans telle université, on lui a fait un cachet dans un morceau de carton, et ça y est. C'est ça le diplôme. Alors qu'avant, les savants, ils devaient passer devant un certain nombre de choumours, une soixantaine, des fois une centaine, qui confirment avant qu'ils passent sur le minbar. Non, aujourd'hui, c'est dès que tu as lu un peu, tu vois que tu as fait un bon repentir, tu es revenu à Allah, tu as appris un peu le Coran, tu es dans les mosquées, tu vas ouvrir des comptes YouTube, des comptes trucs, et tu vas commencer à faire des cours. Et après, derrière, vu que tu as besoin d'argent, bah, tu vas commencer à faire payer. C'est vraiment malheureux ça. Donc, la première des choses, comme on a dit, c'est d'avoir une foi saine concernant les cinq piliers. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça renforce le cœur, l'esprit et le corps. Et en même temps, celui qui connaît bien les noms, enfin qui croit et qui a une bonne croyance concernant les noms et les attributs d'Allah, ذلك خوفه من عذاب الله. Sa crainte et sa peur du châtiment d'Allah va augmenter. Et qu'est-ce que ça va induire ? Ça va induire qu'il va être plus réceptif vis-à-vis des ordres d'Allah et vis-à-vis des interdits d'Allah. Parce que maintenant qu'Allah est rentré dans son cœur, qu'il a vu et il a compris sa grandeur et ainsi de suite, il va donner un peu plus de temps, il va essayer de faire plus attention, et il va commencer à mettre un certain nombre de choses en place pour essayer d'avancer parce que maintenant il a peur, parce qu'il sait. D'accord ? Et il espérera encore plus d'Allah, donc il va être encore plus attaché à Allah dans tout, dans tout. Et forcément, quand ça se passe ça, c'est que Allah a accepté de toi tes actions, ton repentir et tout ton travail, et il est en train de te faire cheminer vers lui maintenant. Donc il faut juste après s'armer de patience, d'endurance et des gens avec lesquels évoluer, parce que tout seul dans ce monde des ténèbres, c'est pas facile, tout le monde le sait. On est tous conscients, mais il y en a plein qui flanchent, il y en a plein qui arrêtent, il y a plein qui ne sont pas fermes, on le voit d'une manière générale. Et c'est ça qui fait la différence en fait entre les véridiques et les hypocrites. وَإِذَا آمَنَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فِي جِلْبِ الرِّزْقِ دُونَ مَا سِوَهُ. Et lorsque, en fait, les noms et les attributs d'Allah, tu vas savoir que c'est Allah vraiment Razzaq, que c'est lui qui te donne. Mais quand tu vas lire des exemples, tu vas savoir qu'est-ce que rizq, razaq, le pourvoyeur, ainsi de suite, tu vas vraiment, Allah va faire en sorte que ça rentre dans ton cœur, et donc à ce moment-là, tu ne vas plus dépendre de qui que ce soit, tu ne seras plus au service de qui que ce soit, ça veut dire que tu ne seras pas soumis à qui que ce soit, tu feras ton travail correctement, sérieusement, intègrement, avec tout ce que ça te demande comme compétence et comme truc, mais personne ne te marchera sur les pieds, ni qui que ce, quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'au fond, tu ne me donnes rien, toi. Demain, je te quitte, je te et ainsi de suite. Je vais retrouver quelque chose. J'en suis sûr et certain, même sans bouger. Pourquoi? Parce que j'ai une confiance maintenant qui est totale. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, attention. Il faut faire les causes. Et ça ne veut pas dire qu'il faut créer des mauvaises situations dans le travail, ainsi de suite. Non. Il faut être intègre, honnête, respectueux, et ainsi de suite, et faire les tâches qu'on nous demande. Mais avec respect, je ne suis pas ton chien, je ne suis pas ton esclave, tu ne me parles pas n'importe comment. Et de me dire, ouais, c'est moi qui vous paye, tu ne me payes rien du tout. Tu es une créature comme moi. Je fais un travail en échange duquel tu me payes. C'est tout. C'est un service contre un service contre de l'argent. D'accord, je suis... Après, peut-être qu'aujourd'hui, les gens se rabaissent, mais moi, c'est pas comme ça. Donc, va rabaisser quelqu'un d'autre si tu veux. Mais voilà. Bref, en tous les cas, c'est juste pour dire que ça va nous ramener quoi? Une certaine fierté. De connaître Allah, vous allez être fier et fort. Pas, ça ne veut pas dire qu'on est injuste. Ça veut dire qu'on remet les choses à leur place. وإذا آمن بأن الله يسمع ويرى فلن يقول قولا لا أو يفعل فعلا يغضبه الله. Et lorsque tu vas savoir qu'Allah est audient et omniscient, audient et omniscient, c'est-à-dire qu'il entend tout, il voit tout, là à ce moment-là tu vas faire attention à ce que tu dis. Tu vas faire attention à ce que tu fais. Tu vas être plus regardant, pourquoi? Parce que tu sais que juste derrière ça, il y a la colère d'Allah qui va te suivre. Donc tu vas faire attention à ce que tu dis et ce que tu fais. Et tu vas t'écraser. Non pas parce que la personne est méchante ou parce que par rapport à la famille ou par rapport à des gens proches. Non pas parce que c'est eux. Non pas parce que tu as peur de la menace ou quoi. Non, tu le fais parce que tu sais qu'Allah il t'a demandé et que si tu fais le contraire, tu risques le châtiment. Voilà le deuxième point. On va faire le troisième point. On va s'arrêter là parce qu'après, il y a un quatrième, un cinquième, un sixième point. Et tout ça, c'est les bénéfices de l'aqidah. Le troisième point, c'est تعريف على صفات الله بأسمائه ومعانيها. Apprendre la science de l'aqidah, c'est d'apprendre et de connaître les noms d'Allah, les noms et les attributs d'Allah et leur sens. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, le simple fait de dire ouais, Allah est le bari, c'est lui qui détermine tout, c'est lui qui décrète tout, c'est lui qui crée tout. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en soi? C'est quoi son sens? Parce qu'on a son sens. Et c'est ça qu'on va apprendre à travers ce domaine de l'aqidah. Mais inshallah, qu'Allah nous mette le baraka inshallah dans ce qu'on fait, parce qu'il y aura d'autres sujets, d'autres choses. Là, c'est un cheikh contemporain, mais imaginez-vous depuis l'époque des sahaba jusqu'à maintenant le nombre de livres qui ont été faits sur ce sujet-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. On dit louange à Allah qui nous a guidés à ceci, car nous n'aurions pu nous guider sur ce chemin si ce n'est Allah qui l'ait voulu. Donc, alhamdulillah fil awwal wal akhir. Donc, on va s'arrêter là. Inch'Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana an alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Et donc, de toute façon, le cours, inch'Allah, il sera enregistré. La sœur, inch'Allah, fera son travail dès qu'elle pourra. Et je vous dis à très bientôt. Wa faqakum Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.